ou plutôt Allah nous a ordonné de lui obéir à lui et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre le Coran, de prendre la Sunna. Et toute personne dont les paroles et les actes seront conformes, on suit. Nattabi'a. C'est pas nos collègues, c'est Nattabi'a. On suit. Il n'y a aucun mal à ce que demain un ammi, s'il demande une fatwa à un savant, il dit Shir, ma hukm kaza fi masalat kaza, et Shir yakul masalan yajouz, ou ma yajouz, ou makrouh, ou mustahab, ou la besabi, ou kaza wa kaza. Il dit Shir, ma dalil la hada. Il demande le dalil. Que ce soit un ammi, que ce soit un talib al-him, personne n'est privé de demander un dalil. Tu demandes c'est quoi le dalil? Et ce n'est pas une offense envers le savant de dire c'est quoi le dalil. On demande cela. Quand les gens disent, parce qu'il y a des gens, ils disent que quand tu demandes un dalil à un shir, c'est une offense envers lui. C'est-à-dire, ça remet sa science en condition. On dit non. Pas du tout. Au contraire. Si cet homme, c'est un savant, c'est que le dalil, il est avec lui. Donc, je lui demande qu'il me le donne, que je profite. Parce que le dalil, la science, ce n'est pas comme une banque. On met tout chez une personne et on ne donne pas aux autres. Le savant, il est là pour enseigner aux gens. Donc, il leur apprend ce qu'il sait, il leur donne. Donc, s'il a un dalil, il leur donne. Ou des fois, ça arrive, il est pressé. Ou sur le moment, on ne s'en rappelle pas, ça peut arriver. Mais dire Shir, ma dalil la matakoul, c'est pas une offense envers le savant du tout. Ce n'est pas un manque de respect. Pourquoi avoir-t-on demandé à cet homme une fatwa? Car c'est un savant. Et comment on sait que c'est un savant? Car il a la science. C'est quoi cette science? C'est le dalil qu'il a avec lui. Et qu'il a compris et qu'il applique. Donc nous, c'est quoi le but? C'est de l'obéir à lui ou d'appliquer le dalil qu'il a avec lui? D'appliquer le dalil. Donc ce dalil, si on ne le connaît pas, comment on va l'appliquer? Donc ça, cette compréhension que des gens, ils ont, elle est complètement fausse. De dire, demander de Dalil, c'est une offense envers le savant. C'est comme si tu mettais en doute sa question. Bah, dans ces conditions-là, faire Talab al-Ilm, c'est une offense envers les savants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend des savants en faisant Talab al-Ilm? On apprend de Dalil pour l'appliquer. On apprend pour pouvoir juger de nous-mêmes par la suite. Donc celui qui dit que demander un Dalil, c'est une offense, eh ben, on dit, étudier, c'est pour toi, c'est une offense également. C'est une offense. Pourquoi tu étudies? Pour apprendre. Pourquoi tu apprends? Pour appliquer. Pour ne pas avoir à demander à chaque fois sur chaque chose. Il y a des choses, tu ne connais pas, tu demandes. Mais quand tu les connais, tu n'as pas à demander. Quand le Ta'ala, was'alu ahl zikri in kuntum la ta'lamun. Et demande aujourd'hui, rappel, si vous ne savez pas. C'est pas si vous savez. C'est si vous ne savez pas. Et quand tu sais, tu n'as pas à demander. Ou des fois, tu peux demander pour les autres. Par exemple, toi, tu as une question, tu connais la réponse, mais il y a des gens, ils ne la connaissent pas autour de toi. Et tu veux qu'ils profitent. Donc voilà la question à un savant, comme ça, il répond devant tout le monde. Et ceux qui servent de ce verset-là pour dire que justement le fait de demander à un savant suffit, Ibn Hazm, il dit bien justement non, ce verset c'est une hujja contre vous. Car dans le verset, Allah l'a précisé, les gens du zikr. Il n'a pas dit demander à n'importe qui. Donc les gens du zikr, ce qui te rappelle. Qu'est-ce qui te rappelle? Le dalil. Donc ce verset-là est pris comme preuve pour dire on demande à un savant, ça suffit. On dit non. Si tu as demandé toi ce savant, tu fais confiance, tayyib. Mais si demain on te démontre que la parole du savant n'est pas convenable et s'oppose à un dalil, alors là tu ne dois pas dire Shiri m'a dit je me contente de cela. On dit non. Si tu veux la vérité, tu dois la chercher. D'accord? Tu dois la chercher. Maintenant, des fois, il se peut qu'un savant te fasse une fatwa et t'as accepté la fatwa. Et t'as agi en conséquence. Mais si par la suite il s'avère qu'on te montre que la fatwa n'est pas correcte ou qu'il y a une divergence réelle, d'accord? Là tu te dois. On parle de divergence. Clair. Pas de divergence, des fois, t'as des masalas, elles sont très compliquées. Mais tu vois que t'es en mesure de pouvoir comprendre. Même un ami, il peut savoir. Il peut savoir des choses. Un ami, ce n'est pas quelqu'un qui est plus bête qu'un autre. C'est quelqu'un qui apporte moins d'importance à l'apprentissage qu'un autre. Mais il a une intelligence comme tout le monde. Donc on peut lui faire comprendre telle chose. Yajouz, naam, limaza, l'annabiya sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a kaza wa kaza wa kaza. On peut pas le comprendre ça. Même un kafir ne peut le comprendre. Même des koufars, des fois, viennent dans le débat, ils viennent avec des versets du Coran. Donc si un kafir peut le faire, un ami musulman, à plus forte raison pourra le faire, bismillah ta'ala.